chance de... Merci de vous réveiller avec Un autre jour est possible en ce mercredi 18 mars. Votre réveil culturel en attendant les informations de 6h30, l'actualité du jour. Réveil culturel avec en première partie notre série consacrée à la traduction. Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui. Dans un instant, je retrouve donc Christine Laferrière qui nous accompagne depuis lundi. Et puis en deuxième partie, comme tous les mercredis, on parle cinéma. Et aujourd'hui, ce sera au tour du grand metteur en scène japonais Nagisa Oshima à l'occasion de la ressortie au cinéma de Furio, mais aussi de la réédition de tous ses films chez Carlotta et d'une riche rétrospective à la Cinémathèque française. Mais pour commencer, notre tête chercheuse de la semaine. Bonjour Christine Laferrière. Bonjour. Mama mňinka neví, ani vědět nesmí, za kým mé srdenko vedně v noci teskní. Als wär ist der junge Mann, den mir sie backenfohlen hat. Těžko jeně, těžko. It was very imprudent of him. Na mojem srdénku, jak by něho svázal hedvábnou šňůrečku. But when Barry saw the splendor of the Chevalier's appearance, the nobleness of his manner, he felt it impossible to keep disguise with him. Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui. Aujourd'hui, troisième épisode, le traducteur est-il un créateur ? Ah ouais. Oh, belle question ça ! C'est une vaste question, oui, c'est un sujet de débat qui n'est pas tout à fait nouveau. Je pense qu'on peut dire que toute traduction est une création, dans la mesure où on va faire quelque chose qui n'existait pas avant, on va réaliser un texte qui n'existait pas. Donc à partir du moment où il y a quelque chose en plus, où il y a une nouveauté, oui, il y a une création. Même en cas de retraduction, il y a quelque chose de nouveau. On retraduit, par définition, c'est pour faire quelque chose d'amélioré. Donc là aussi, il y a une création. Et puis, le fait que chaque traduction soit unique, mettez trois traducteurs face à un même texte et vous obtiendrez des choses forcément un peu différentes. Donc oui, il y a forcément une part de création. Le traducteur est certainement un créateur. Maintenant, ça dépend aussi comment vous vivez la chose. Bon, moi, une fois encore, ici, je ne représente que moi-même. Mais vous prenez, par exemple, un assassin. Vous dites à cet homme qu'il a commis un homicide volontaire. Il va vous dire, mais pas du tout, je suis un justicier. Voilà. Et donc, vous me diriez, vous êtes créatrice, je vous diriez, pas du tout, je reconstitue. Dans un genre beaucoup plus souriant, bien sûr. Donc, la traduction est une création. Oui, maintenant, je ne me vis pas du tout dans la position d'une créatrice. C'est-à-dire que je considère que je reconstitue, je vais refaire ce qui a été créé avant moi, mais ma part personnelle doit être à la fois assumée, parce que c'est moi qui vais faire toute seule, mais également la plus restreinte possible. Donc je ne m'estime pas dans ce sens créatrice. Je pense souvent que je fais un puzzle d'ailleurs, c'est une image qui me vient souvent à l'esprit, parce que imaginez qu'on me demande de faire un puzzle de 5000 pièces en choisissant parmi 100 000 pièces, qui seraient donc les termes de la langue française, pour reproduire une image. Et je me rends compte que dans toutes les pièces dont je dispose, ben certaines n'ont pas la bonne couleur, certaines ont des formes imparfaites, donc il va falloir que je réussisse à les assembler pour reproduire cette image qui n'est pas de moi, que je n'ai pas créée. Et il y a des fois où je n'ai pas la bonne pièce, il y a des fois où les pièces s'assemblent de façon plus ou moins imparfaite. Pour avoir une idée précise de ce puzzle, et pour mieux comprendre votre comparaison, Christine Laferrière, quand vous dites « je n'ai pas cette pièce », c'est-à-dire vous n'avez pas l'équivalent d'une réplique, d'un contexte, d'un mot ? Alors, ça peut être plusieurs choses. Oui, je peux très bien ne pas avoir l'équivalent du mot. En admettant que je traduise un texte qui évoque les 125 dénominations du flocon de neige par les Esquimaux, il est clair que je n'aurai pas le mot. Bon, il se peut aussi que le mot, eh bien, je ne le trouve pas. Il n'apparaisse pas dans les dictionnaires. J'ai une anecdote assez savoureuse comme ça où j'ai passé des heures et des heures sur la toile à essayer de chercher ce que signifiait tel terme dans la culture du coton. Et ce terme était cité dans des rapports d'esclavagistes ou des journaux d'esclaves, mais par définition, les gens ne disaient pas de quoi il s'agissait parce qu'ils savaient de quoi ils parlaient. Donc j'ai trouvé ce mot sans jamais avoir sa définition. J'ai fini par m'adresser au secrétariat de l'agriculture à Washington, qui m'a donné la définition au bout de 3 jours en me disant que, d'après les éléments donnés, ce qu'ils avaient trouvé, l'hypothèse la plus probable serait que cela signifie peut-être ceci. Et il s'agissait du dernier sarclage avant la récolte. Et vous êtes présentée comment ? Comme Christine Laferrière, traductrice de Toni Morrison en France ? Paraît-il. Ouais, ça marche. C'était pour un texte de Toni Morrison ? Oui. Mais c'est pour vous dire que là, je n'avais pas la pièce. Pourquoi ? Parce que c'est un terme qui n'apparaît dans aucun dictionnaire, que de toute façon, en admettant qu'il soit... traduit par sa simple définition, ben déjà il aurait fallu qu'on ait des ouvrages assez précis sur la culture du coton en France. Il y en a pas énormément pour la simple raison que nous n'avons pas de culture du coton en France. Voilà. Donc j'étais vouée à ne pas le trouver. Mon seul mérite, si j'en ai un, a consisté à savoir m'acharner jusqu'au bout et finir par m'adresser aux seules personnes visiblement que la toile me permettait de trouver pour me fournir cette réponse. Et là, vous vous transformez en détective, donc. C'est ça. À la recherche du mot, à la recherche de la bonne traduction, de la bonne phrase. Il faut chercher. À partir du moment où vous traduisez un texte qui se passe à une époque suffisamment reculée, par exemple, pour que vous commenciez à vous méfier des termes que vous employez, à ne pas utiliser d'anachronisme, à ne pas mettre dans la bouche d'un personnage un terme qui n'était pas reconnu ou qui n'existait pas tout simplement à son époque. Oui, il faut savoir absolument de quoi on parle, il faut savoir quelle langue on parlait, il faut chercher, il faut vérifier. Oui, moi, il m'est arrivé de me dire que tel terme irait bien, puis je dis, ce ne serait pas un petit peu moderne ? Et on va chercher, effectivement, on se rend compte que le terme est trop moderne et que ce n'est pas ça, qu'il va falloir en trouver un autre. Ça fait partie de la recherche. Donc plus un détective, un travailleur de l'ombre, plutôt qu'un créateur, le traducteur ? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que je crois que le créateur, si vous voulez, est libre. Quand Jules II commande à Michel-Ange le plafond de la Sextine, il mise sur la liberté de son génie. Voilà. Alors que Michel-Ange n'est pas encore un peintre connu, mais il sait que cet homme est génial et il compte sur sa liberté justement pour exprimer tout son génie. Je ne sais pas si j'ai du génie, mais en tout cas, moi, j'ai aucune liberté. Je veux dire, si l'auteur a écrit que la table était carrée, même si ça ne me plaît pas, je dois rendre que la table est carrée. Si l'auteur a écrit, par exemple, un passage qui me plaît moins, admettons, mais tant pis, la question ne se pose pas. La seule chose pour laquelle je m'accorde une once de liberté, je dis liberté pour ne pas dire révolte, c'est la féminisation artificielle des substantifs à désinence masculine. C'est-à-dire que jamais je n'arriverai à traduire « writer »,« author » par le terme « écrivaine » ou « auteureux ». Alors, écrivaine, à la limite, ça existait avant les directives gouvernementales récentes, mais « auteureux » ou « professeureux », non. Soudoyez-moi, je ne le ferai pas. Vous êtes contre ? Non, parce que c'est extrêmement artificiel, ça heurte énormément à l'oreille, c'est agrammatical. Ah, et ça, puis, c'est votre subjectivité, c'est qui se met en avant, si là. Là, c'est quelque chose de l'ordre presque physique, c'est-à-dire que je me sentirais accablé de coups de couteau si je devais écrire des choses pareilles. Et puis surtout, ça ne tient pas la route parce que c'est incohérent. Pourquoi ? Parce que c'est très limité. Vous ne pouvez pas dire « si votre médecin est une femme, j'ai vu ma médecine ». Voilà. Donc rien que ça, à mon sens, marque les limites de la démarche. Voilà. Donc ça, non, je n'écrirai pas. Je préférerais opter pour la femme de lettres, par exemple. Puis je ne vois pas ce qu'il y a de déshonorant à dire que telle femme est un auteur. Cette femme est au-delà, par bonheur, du terme qui la désigne. Elle est au-dessus. Voilà. Ça, c'est mon seul caprice. Heureusement que la langue française me donne suffisamment de termes pour m'en sortir discrètement. Enfin, moins maintenant que je l'ai dit. Mais au moins, j'ai les moyens de faire autrement pour ne jamais traduire une professeure. Et pour reprendre votre enquête, puisque vous nous parlez d'une enquête que vous avez faite à Washington pour traduire le dernier roman de Toni Morrison, Home, si vous n'aviez pas trouvé justement ce terme de coton, qu'auriez-vous fait, Christine Laferrière ? Alors, il aurait fallu que je mette quelque chose. De toute façon, je ne pouvais pas laisser un trou dans le texte, cela va de soi. Mais disons que j'aurais inventé une solution, je dis bien inventé, donc j'aurais fait du remplissage de la façon la plus neutre possible, ne serait-ce que pour ne pas faire dire à l'auteur ce qu'il n'avait pas dit. Donc j'aurais composé quelque chose de fluide et de mon cru pour combler cette lacune, j'aurais forcément trouvé quelque chose. Un compromis, mais ça là, s'appelle. Un compromis, ça s'appelle, mais ça aurait aussi été mon idée, selon moi la moins mauvaise possible. J'aurais donc créé de quoi combler le trou. Et c'est là qu'on peut dire que finalement, la création intervient lorsque le processus de traduction échoue. Y a-t-il d'autres formes de textes intraduisibles ou de mots intraduisibles ou même de répliques? Alors, il y a différents degrés, je pense. Il y a des solutions plus ou moins faciles à trouver. Alors, l'intraduisible, on peut dire qu'un jeu de mots est intraduisible jusqu'à ce que... Alors, on peut trouver un équivalent du jeu de mots. On peut trouver une façon auquel il n'y aurait pas d'équivalent de reproduire un effet. Donc là, on est en plein dans la variation sur l'art de la perte. Qu'est-ce qu'on va perdre? Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Qu'est-ce qu'on va conserver? Bon, ce qui est intraduisible aussi, c'est, dans une certaine mesure, tout l'esprit d'une langue, tout le génie d'une langue. Alors, qu'est-ce que le génie d'une langue? C'est une bonne question. Pour moi, c'est ce qui fait qu'on peut dire en anglais des tas de choses dans des chansons qui nous paraîtraient totalement ineptes en français. Les Beatles peuvent chanter le chant de fraise pour toujours. Allez-y pour essayer d'enregistrer ça en français. Vous voyez, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas forcément conserver. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez cette tentation d'expliquer? Par exemple, il y a une expression qui passe mal en français. Est-ce que vous avez cette tentation d'expliquer en deux, trois phrases, donc de traduire, de trahir, pardon, un peu le texte, ce jeu de mots, cette réflexion pour le confort et du lecteur français, bien sûr? Ça, en fait, c'est le processus de traduction lui-même, parce que s'il faut rendre un jeu de mots pour faire un effet comique, et si vraiment je n'ai pas d'expression ou pas jeu de mots, il faudra quand même trouver un moyen de jouer sur les sonorités ou de faire quelque chose d'un peu spirituel pour rendre cet effet. Donc ça, oui. Par exemple, dans ce qu'on a traduit, je pourrais vous citer le cas de la poésie allitérative de Tolkien, donc dont les règles sont extrêmement strictes en vieil anglais, d'après un nombre de syllabes accentuées limitées qui correspond absolument pas à ce qu'on a en français, puisque la poésie pour nous repose sur un nombre de syllabes tout court et sur des rimes pas mal. Donc alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous traduisez au plus près de l'auteur, quitte à faire une note de bas de page, ou vous expliquez de quoi l'auteur voulait parler, ou est-ce que... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai opté pour le parti pris de l'alexandrin en me disant que s'il fallait restituer un effet poétique, l'effet poétique le moins éloigné serait probablement celui produit par l'alexandrin. Donc, je me suis fixé... Adaptation, donc, c'est pas... Adaptation, je me suis fixé cette contrainte, pourquoi? Mais en même temps, je maintiens qu'il y a une traduction, parce qu'il fallait traduire cet effet poétique. Donc, plutôt que de faire une traduction extrêmement fleurie, en prose, je me suis dit, voilà, l'auteur s'est fixé des contraintes vieilles de 10 siècles, voilà, moi je vais essayer de faire la même chose. Quand la traduction devient adaptation, est-ce qu'on n'est pas loin de la trahison? Je ne pense pas que ce soit une adaptation, parce que j'ai traduit de la poésie par de la poésie. Donc déjà, si vous voulez, j'ai sauvé l'essentiel. Et la trahison, vous savez, je crois qu'à partir du moment où on est contraint de perdre, parce qu'on ne pourra jamais traduire à 100% tout ce qu'a dit l'auteur, c'est pas possible, puisque les langues ne se correspondent pas. Il faut accepter cette perte. Je crois qu'à partir de là, on se soulage un petit peu de la crainte de trahir. Si on a peur de trahir, ne traduisons pas. Si vous avez peur d'être trahi par les vôtres, n'ayez personne. Vous voyez ? Donc voilà, je pense que ce parti pris de rendre part de la poésie, même à la mode française, si j'ose dire, et surtout à la mode française, ces poèmes faits selon les règles anglaises médiévales, est une traduction. Parce que j'ai essayé, et je suis parvenu à traduire entièrement en vers, quelle que soit la forme de ces vers, c'était quand même des vers, les vers de l'auteur. Donc voilà, il fallait aussi représenter cette contrainte. Merci Christine Laferrière. On se retrouve demain pour la suite de notre série Traduire, être soi dans l'ombre d'autrui. À demain. À demain. France Culture. Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. L'invité culturel. Et mon invité du jour est un historien du cinéma, critique aussi, puisqu'il est journaliste au Cahier du cinéma. Bonjour Stéphane Duminildo. bonjour. Vous enseignez à l'université Paris 3 Sorbonne l'histoire du cinéma italien, mais vous êtes aussi connu pour être un spécialiste du cinéma japonais. Ça tombe bien, en ce moment, on fait la fête à Nagisa Oshima, c'est-à-dire avec une rétrospective de ce film à la Cinémathèque, la ressortie chez Carlotta de sa période des années 60 jusqu'en 72. On peut même revoir un des films que, en pleine David Bowie mania, qu'il a réalisé après cette période nouvelle vague, c'est-à-dire Furio. Alors, quand on parle de nouvelle vague, en parlant de Nagisa Oshima, il faut tout de suite préciser que cette nouvelle vague japonaise n'a rien à voir avec la nouvelle vague française. Ou plutôt si, c'était comment les studios japonais ont récupéré le succès de la nouvelle vague française pour lancer de jeunes réalisateurs japonais. Oui, tout à fait. Les studios japonais donc se sont dit, s'il y a des jeunes cinéastes absolument inconnus qui font des films à petit budget en noir et blanc, ça nous intéresse, avec des acteurs voilà que personne ne connaît et qui ont des succès mondiaux, peut-être que nous, on peut faire la même chose et puis quand même avoir des succès au niveau local. Voilà, donc on peut dire que les Japonais qui adorent les nouvelles techniques se sont dit, ben voilà, il y a le scope, il y a la couleur, et puis il y a la nouvelle vague, il y a la modernité, voilà, qui est un réservoir de possibilités à insoupçonner. Et comment ils ont choisi donc ces chefs de file de la nouvelle vague, dont Nagisa Oshima ? Ben, tout simplement, c'était des assistants réalisateurs. Hein. Oshima, il travaillait à la Shochiku depuis 5 ans à peu près, mais il était, si je ne me trompe pas, assistant réalisateur avec Kinoshita. Voilà, qui était un autre cinéaste du studio, et donc ils les ont fait monter en grade. Voilà, donc ces jeunes cinéastes n'ont pas attendu 10 ans pour faire leur premier film. Ils en ont fait au bout de 5 ans à l'orée des années 60. Et en respectant le cahier des charges de la nouvelle vague qui avait lieu en même temps en Italie, en France, c'est-à-dire raconter le réel, être plus proche des gens. Ben, plus proche de la jeunesse surtout en fait, hein, parce que le public qu'il fallait atteindre, c'était une jeunesse qui était en train de se libérer, comme c'était le cas aussi dans tous les pays du monde, et en particulier évidemment en Europe, que ça soit en Pologne, en France ou dans les pays de l'Est. Voilà, donc là c'était le public qu'il fallait atterrir dans les salles. Il y avait déjà eu des tentatives par le passé. C'était des films, on va dire des films existentialistes japonais, avec des jeunes qui allaient à la plage et puis voilà, qui allaient danser dans des bars américains, des choses comme ça. Mais là, la jeunesse était plutôt était davantage politisée. Elle s'intéressait plus à la politique, on va dire, qu'au rock'n'roll et au twist. Donc, il fallait leur offrir des films politiques aussi. Par exemple, quand il tourne Conte cruel de la jeunesse, est-ce que Nagisa Oshima parle de lui-même ou il a juste envie de tourner un film avec ces jeunes gauchistes nippons en disant, bah, c'est ça qui va peut-être plaire à cette jeunesse turbulente? Il parle de lui-même, bien sûr. Hein. Il parle de son engagement politique. Et il parle surtout de l'insatisfaction des jeunes dans la société. Parce que qu'est-ce qu'on leur laisse à ce moment-là aux jeunes? Eh ben, la civilisation des aînés s'est cassée la gueule pendant la guerre. Donc on ne peut plus croire à rien, on ne peut plus croire à l'empereur, on ne peut plus croire à la grandeur impériale du Japon. Et les grands frères et les grandes sœurs ont échoué aussi politiquement à gauche. C'est-à-dire ils ont laissé le pays aux mains des Américains. Voilà, donc on a une jeunesse qui est perdue, qui vit de petits boulots, qui se prostitue un peu, et dont les rapports sentimentaux sont cruels, c'est ça justement. Donc là, Oshima, il introduit quelque chose qui est une forme de sadisme aussi à l'intérieur des relations amoureuses. On n'est bien nulle part, on n'est pas bien avec sa petite copine, on n'est pas bien avec ses parents, on n'est pas bien avec ses frères aînés. Donc finalement, est-ce qu'on va arriver à sortir de cette situation? Stéphane Dumunildo, avant de parler des différentes périodes de Nagisa Oshima, vous avez revu récemment ces films, ne serait-ce que les films de la période de 65-72 réédité en coffret DVD chez Carlotta, ou même Furio qui est à un certain moment a eu un certain succès à Cannes, un certain succès, ça veut dire qu'il a partagé bien sûr la critique entre ceux qui soutenaient Oshima et ceux qui étaient un peu déçus en disant c'est peut-être le début de la fin. Est-ce que tous ces films on peut les revoir aujourd'hui ou est-ce qu'ils ont vieilli comme on dit? Non, on peut tout à fait les revoir. Hein. Déjà, bon, ceux des années 60 sont une ouverture sur une période qu'on ne connaît pas très bien, c'est-à-dire les 60s au Japon, qui est une période d'une grande richesse artistique et intellectuelle et cinématographique. Hein. Voilà, c'est plein d'inventions. Si on voit par exemple le journal d'un voleur de Shinjuku, voilà, c'est un film qui va très très vite, qui est extrêmement drôle et léger d'une certaine façon. C'est peut-être le plus léger des films d'Oshima, puisque ça raconte comment... si les jeunes arrivent à faire l'amour et avoir un orgasme, ils arriveront aussi à changer la société, à se décoincer, voilà, et à faire la révolution. Donc c'est quand même des films révolutionnaires. C'est en 69, donc après 68, donc voilà. On comprend, il est dans... Oui. Voilà, c'est exactement ça, quoi. On est en plein moment un peu le pays flambe, en quelque sorte, mais flambe aussi joyeusement, hein. C'est un film joyeux. Et puis ensuite, on parlait de Furio. Ben, Furio, c'est un film qui non seulement a pas vieilli, mais qui nous permet évidemment donc de retrouver David Bowie, où c'est déjà une pleine Bowie-mania, puisque c'était la star, énorme de l'époque de Let's Dance. Et de voir aussi des acteurs qui sont très connus maintenant, mais qui n'étaient pas à l'époque, comme Takashi Kitano, voilà, qui a 36 ans, et qui, pour moi, est peut-être la révélation du film à contre-temps. C'est-à-dire mais que raconte ce film, Furio ? Furio, ça raconte comment un camp de prisonniers anglais est complètement chamboulé par l'arrivée d'un prisonnier anglais blond, angélique, dont le capitaine japonais va tomber amoureux. Mais donc voilà, ça va le détruire et ça va détruire aussi l'organisation du camp. C'est un peu théorème, c'est un peu une sorte d'ange exterminateur. Ouais, c'est un théorème, Laurence d'Arabie. Il tourne autour de ses ambiguïtés, ouais. Mais pour raconter quoi au juste? Pour déjà mettre en rapport deux choses, c'est-à-dire les structures maléfiques et oppressantes de l'individu, que ça soit dans un camp japonais qui représente finalement la société japonaise, mais aussi, il met ça en rapport avec le collège anglais, qui représente aussi l'Angleterre dans son ensemble, et qui censure et qui exclut les difformités physiques, puisque le frère David Bowie est un enfant bossu, de la même façon que le capitaine du camp japonais est homosexuel. Voilà, donc il y a quelque chose sur l'exclusion, la discrimination qui se joue entre ces deux pôles, qui sont l'Angleterre et le Japon, voilà, qui étaient aussi deux empires, dont l'un était déjà déchu, et puis l'autre était tout proche de sa perte. Alors, bien sûr, si on connaît Nagisa Oshima, c'est surtout pour l'Empire des Sens. Je crois que c'est le film qui a eu le plus de succès dans le monde. Si on doit revoir toute la filmographie très riche du reste d'Oshima. Je pense que oui, l'Empire des Sens et Furio, c'est ces deux films à succès. L'Empire des Sens pour le scandale que ça a occasionné, puisque c'est l'une des œuvres, en tout cas au Japon, ça a été le plus grand scandale artistique jamais, qui ne soit jamais arrivé au Japon. Il y a eu des procès, Oshima a quasiment été menacé de la prison, c'était vraiment absolument énorme, ça a vraiment enflammé toute la société. Et ça a un succès aussi de scandale, puisque c'est un film pornographique, voilà, avec des scènes d'amour explicite. Je pense que le scandale n'aurait pas eu lieu au Japon si le film avait été uniquement dans le cadre de la cinématographie japonaise. Mais c'est en fait un film français, c'est produit par des Français, par Anatole Dauman, hein, et le film est passé à Cannes, donc le monde entier, si on peut dire, a vu un homme et une femme japonais faire l'amour sans qu'aucun détail ne soit exclu. Et c'est un film aussi qui peut nous toucher, nous, en France, puisque c'est un film qui est pétri aussi de culture française. Voilà, de l'amour qu'a Oshima pour l'œuvre de Georges Bataille, par exemple. Ouais, bah alors justement, parce qu'il y a les Français derrière, parce qu'il y a la reconnaissance de Cannes, il va lui arriver un peu ce qui est arrivé à un cinéaste égyptien comme Youssef Chahine, c'est-à-dire une fois qu'il est reconnu par les Français, le public égyptien ou japonais en ce qui concerne Oshima se met à se poser des questions. Est-ce que c'est un auteur profond ou est-ce que c'est un grand technicien qui peut s'adapter à toutes les cinématographies, sous-entendre par là, à tous les marchés? Disons qu'en effet, Furio, on pourrait dire, c'est un peu le début des grands auteurs internationaux, voilà, qu'on voit revenir à Cannes quand même assez régulièrement, même tous les ans. C'est un peu le début de ça. Le producteur, il a produit plus tard un Théo Sarra de Bertolucci, par exemple. Et de la même manière, effectivement. Voilà, le dernier empereur aussi. Mm-hmm. Donc voilà, et c'était quelqu'un, c'était Jérémy Thomas, c'est un peu un toscan du plantier anglais qui voulait se constituer un peu un groupe d'auteurs prestigieux. Mais je trouve que non, Oshima garde toujours sa particularité. Et puis il faut voir, bon, quand il revient. C'est très ambigu, parce que il connaît ses plus grands succès avant finalement de devoir arrêter le cinéma à cause de sa maladie. Donc on ne peut pas savoir ce qu'aurait été la suite de la carrière d'Oshima. Ça aurait été sûrement une carrière très très prestigieuse et très ouverte sur sûrement l'Occident. Mais le tout dernier film d'Oshima, c'est Tabou, qu'il tourne au Japon, qui est un remake d'une certaine façon de Furio, avec Kitano qui cette fois tient le premier rôle, mais cette fois, bon, voilà, c'est un groupe de samouraïs qui est aussi troublé et par l'homosexualité et l'arrivée d'un jeune samouraï angélique. Et donc là, c'est vraiment, on peut mettre les deux films en miroir. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas eu le grand scandale, comme non. Si le côté sulfureux de l'époque de l'Empire des Sens avait disparu entre-temps, parce que les sociétés ont produit d'autres films, ont ausculté la sexualité, l'homosexualité de différentes manières. Bref, Oshima avait l'air d'être dépassé. Bah, Oshima, de toute façon, c'est un auteur, c'est un dandy, c'est un auteur qui cherchait le scandale, qui était assez flamboyant. Son modèle, c'était un peu Godard, qui faisait quand même des déclarations assez virulentes sur ses aînés, dans le cinéma japonais, donc qui est quelque chose de pas très asiatique, parce qu'on a plutôt tendance à respecter les aînés, mais lui, il n'était pas du tout comme ça. Et il cherchait surtout à faire des coups d'éclat aussi, il aimait beaucoup ça. Donc, son scandale et sa provocation, c'était accepté au début par la Shochiku, donc par la compagnie qui avait créé cette nouvelle vague japonaise, mais à un moment, il allait quand même un peu trop loin, il rendait des films qui étaient trop intellectuels, trop distanciés, brechtiens, hautains, etc. Donc on lui a dit non, soit vous rentrez dans le rang, soit vous allez faire vos films expérimentaux et voilà, et intellectuels ailleurs. Mais il a toujours eu la volonté de se bagarrer avec son pays, à avoir des sujets, par exemple la peine de mort, la place de la Corée, des immigrés coréens à l'intérieur de la société japonaise, la critique des rites et des mariages, etc., des familles dans la cérémonie. Alors là, ça, c'est la famille gigantesque, c'est la famille qui représente tout le Japon, mais aussi la petite famille avec nucléaire, on va dire, avec le petit garçon. Donc à chaque fois, il attaque des points très très précis du Japon, il se bagarre avec eux. Et voilà, Furio a aussi pour lui de pas être un film contemporain, c'est peut-être ça aussi qui le rend peut-être un petit peu moins virulent. Donc ça revient sur une période qui est la guerre. Mais qui est quelque chose qui, par ailleurs, nous concerne aussi. Là, pour le coup, c'est un Oshima qui, de fait, par son sujet, c'est-à-dire un camp de prisonniers anglais au Japon, a quelque chose de plus universel, puisque cette guerre, c'est aussi notre histoire commune avec eux, avec les Japonais. Donc, plus que jamais, Nagisa Oshima, c'est l'ami japonais ? C'est l'ami japonais, c'était un ami japonais en France. Quand on parle aux critiques des années 70 et 80, voilà, c'est quelqu'un qui venait très souvent en France, qui était très très apprécié, aimé par ses collègues, ses collègues cinéastes, bien sûr. Merci Stéphane du Minildo d'être passé ce matin pour nous parler de Nagisa Oshima. Toutes les informations à propos de la sortie du DVD, de la rétrospective Oshima à la Cinémathèque sont bien sûr disponibles à la page de l'émission L'autre jour est possible sur franceculture.fr ou sur les réseaux sociaux animés en ce moment par Sacha de Persin. Émission préparée avec Henri Leblanc, réalisée par Thomas Duterre, avec aujourd'hui à la technique Julien Douminc. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Dans un instant, Marc Voinchet, bonne journée sur France Culture.